Le groupe de visite dans la patrie des étudiants de l'Université coréenne de l'Association générale des Coréens résidents au Japon, conduit par le doyen de faculté Park Jin-yong, est arrivé le 8 courant à Pyongyang par vol. Le même jour, il a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage.